voici. Bah, vous ne seriez pas longtemps là. Guillaume, c'est ça, Guillaume, c'est dangereux. C'est moi. Je te dérange, Guillaume. Guy. Non, pas du tout. Ça va, les amigos? Oui, très bien. Alors, oui. C'est ma dernière chronique de la saison. Pourquoi? Ce matin. Et oui, et je vais vous parler de biodiversité. Alors, j'ai lu une petite étude qui dit qu'en cas de danger, les libellules utilisent un système de mini-taser à la frontière de la légalité, dans un contexte judiciaire qui, je rappelle, est quand même vachement plus permissif chez les insectes volants. C'est fou, la nature. Mais il fait un peu chaud là, non, dans le studio. Oui, calme-toi. Il sera, j'ai un peu chaud. Non. Je te désabille, ah, je vais être chaud. Ah, il fait pas chaud. J'ai un peu chaud. J'ai tellement chaud. Attends, est-ce que je peux décrire le maillot que tu portes? Oui. Tu portes le numéro 10 de l'équipe de France de football avec marqué dessus Ernesto, fils de Nagui et d'Oumtiti, le fameux seum de la demi-finale de la Coupe du Monde. Bah, j'ai plus rien à me mettre. C'est con, c'est du coton brodé. Il y a un petit côté frais, mais ça te prive pas de chaleur. C'est vrai, c'est des spectateurs qui m'ont offert ce petit tricot de l'équipe de France à la sortie de mon spectacle il y a quelques jours. Je vous promets. Bah, je pensais pas avoir l'occasion ni l'envie de le mettre, puis finalement. Hein, la vie, ça se joue à quoi, ça? Donc, je vous disais, les libellules. Alors, on se dit la grâce, ça on se joue dit un poteau. On dit la technique. De vol, mais c'est pas que ça. Les libellules, c'est aussi des couleurs pas banales, c'est des petites pattes où t'as pas besoin de souliers. Et je sens que ça vous passionne pas. Bah, on va parler de foot alors. Hein, c'est bon, les insectes. Avec cette question qui taraude tous les gens en âge d'utiliser le verbe tarauder, quel est le meilleur contexte pour regarder un match de son équipe en quart de finale d'un euro? Vraie question. Alors, je sais pas si vous, ça vous intéresse naturellement. Non, plus maintenant. On a peut-être des auditeurs qui viennent de petits pays limitrophes et qui continuent dans le tournoi. On va savoir. Je sais pas. En vrai, j'étais tellement sûr que vous alliez passer. Ma chronique, elle était prête. Même là-dessus, t'arrives à me faire rire. C'est elle était prête hier à midi, ma chronique. Puis après le match, j'ai reçu 380 messages sur Insta en mode Ernesto, fils de légalisation suisse. Ça fait 3 ans que Nagui te fout de ta gueule. Ne lâche pas, mets-toi nu, fais-lui un tac, n'importe quoi, fais quelque chose. Mais moi, je suis pas comme ça. Non. Enfin, si. Nagui, il était au stade, je compatis vraiment. Ça n'a pas dû être facile, quoi. Vraiment, c'est cruel. Il n'a pas vu les ralentis des buts de Suisse. Franchement, moi, quand je vais au stade, pour être sûr de bien voir, je prends ma télé avec. Tu vois, c'est relou, je mets une mi-temps pour trouver une prise. Mais par-delà, Nagui, il m'a envoyé des messages adorables. C'est vrai, dimanche, il m'a envoyé des messages adorables pendant Belgique-Portugal. C'est vrai. En mode, ouais, les Portugais, je ne peux pas les saquer. Moi, président, je les dégage de la zone euro. C'était raciste, mais ça m'a fait chaud au cœur. En plus, moi, dimanche soir, j'avais besoin de soutien. Dimanche soir, j'ai regardé Belgique-Portugal tout seul dans mon Airbnb à Paris. C'est le truc le plus triste qui soit arrivé en Europe depuis l'incendie du Reichstag en 33. Et encore, le bâtiment était pas ouf. Mais c'est vrai que j'avais pas la force d'aller ailleurs dimanche soir. La nuit précédente, j'avais mis mon corps dans de très grosses difficultés. Et j'adorerais dire qu'autour de cette table, il y a personne qui a été témoin. Mais ce serait faux. On s'est en plus seul chez moi. Bon, je voulais pas aller dans un bar parce que j'avais vu le match précédent de la Belgique dans un bar belge de Paris. Je voyais trop bien, super. Il y avait quoi, 167 personnes devant moi. Je distinguais vaguement du vert sur l'écran. Je me dis, ça c'est un terrain de foot ou c'est une carte vitale. Un des deux. Du coup, je rentre de mon spectacle dimanche soir dans un trois quarts coma. J'allume la télé. Je vois que c'est M6 qui diffuse Belgique-Portugal. Je me dis, depuis quand M6 s'intéresse au foot? À tout moment, ça va partir en nouvelle star de l'Euro. Tu vois, il va y avoir un jury. Je me suis dit, à minima, c'est Christina Cordula qui va commenter. Tu vois. Et si je savais faire l'accent brésilien, je vous aurais mis une petite vanne bonus. Mais on aurait tisseré de bon cœur. Mais voilà, malheureusement, vous connaissez ma science de l'accent. Oui. Moi qui fais Cordula, ça donne. Alors, Thibaut Courtois qui intercepte le ballon et le transmet à Kevin De Bruyne qui porte très bien le pantalon mi-court. On dirait le Zitron. Mais non, c'est pas Cordula, ça. Tu fais raison Marseille, là. Mais non. Mais si. Mof. C'était la vanne Nagui, ok merci. J'étais seul, il a fallu que je me démerde pour vivre ce match à fond quoi. Pendant l'hymne national, j'ai fait un hug à un saladier. Sérieux, on a chanté ensemble, il connaissait pas les paroles, mais je trouve qu'il fredonnait bien. Puis il y a eu le match, on a joué comme des sacs à foutre. J'étais tendu de ouf. Quand la Belgique a marqué, j'ai crié tellement fort dans mon appart. Il y a le GIGN qui a débarqué, sérieux. On a regardé la deuxième mi-temps ensemble. À un moment, j'ai dit, allez, relève-moi cette cagoule Frédéric. Vraiment, il était bon vénitien, j'aurais pas dit. Au final, on a gagné. Je sais pas comment on a fait, ils analysent le truc au Vatican, il y a suspicion de miracle. Vraiment, le pape François m'a appelé, il m'a dit quand j'arrête, je veux que ce soit Thibaut Courtois qui reprenne ma place. Vraiment, il y a quand même un gros risque qu'on se fasse défoncer vendredi. C'est pour ça que j'ai préféré vous parler d'autre chose que de foot ce matin. C'est quand même ouf une libellule, non? Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo. Oh là là.